Bungere bung, bungere bung, bunge bunga ise. Bere. Bungere bungere bungere bunge, bunge bunga ise. Bere. Bunge bunge bungere se, bunge bunga ise. Bere. Non se bere, non se bere, bunge bunga ise. Bere. Keke you dise, you dise, you dise, you dise, you dise, you dise. Bunge de boom, bunge de boom, de boom, de boom, I say, bere. Bunge de bunge de bunge de bunge, e meada you disse, bere. Bunge, bunge, bunge, disse, you disse, bere. Bunge de bunge de bunge de say, de say, de say, bere, you disse. Bunge de bunge de bunge de bunge de bunge bunga ise bere e you disse e you disse bere bere poke you poke se you disse peke que you disse bege you disse you disse peke bunge de bunge bunge de bunge de bunge de bunga ise oh bunge de bunge. Putain, c'était bien lancé, Yudisse. Ah, putain, Yudisse, putain, Yudisse, Yudisse. Bungere, bungere, bungere, bungere, bungere, bungere, bungere, bungere, bungere, bungere, Yudisse, Yudisse, Yudisse, se. Oui, c'est, cognasse, cognasse, cognasse, Yudisse, le cognasse, bille. Bungere bungere bungere bungere bungere sei dei sei bungere bungere sere bunge bungai se pere on va dire qu'on va mettre comme ça peut-être que ça ira cheke cheke bugue lo que you say et peut-être que ça ira you disse.